Noémie Culpa, photo, magazine, pub, très jolie là-bas, des filles, des bras. Magazine pub, très jolie là-bas, des filles, des bras, à pixels au propre lit que là. Noémie Desjardins dans ses atubes, envie tout ça, envie tout ça, envie tout ça, envie tout ça. Noémie Culpa flotte sa jolie robe, uni extra, plus de mascara, beauty make-up party, tout ça. Noémie de pas de danses à tube, à pils et coca, à pils et coca, à pils et coca, pils et coke. Noémie même pas peur, pro à la première fois, sniff menteur et danserie des heures. Noémie même pas peur, pro à la première heure, accompagnée parfois seule en boîte after. Dès la nuit là, dès la nuit là, dès la nuit là, et encore une fois, dès la nuit là, dès la nuit là, dès la nuit là, encore une fois. Mais, la nuit s'en va, la nuit s'enfuit, la nuit s'en fout. Regarde l'aube encore une fois. Pa pa da pa pa pa pa pa pa la la la la la. Pa pa da pa pa pa pa pa pa la la la la la. Noémie Culpa, Noémie Culpa, no es tu culpa, Noémie Culpa. Que te pasa, chica? Que te gusta? La noche la coca también, la coca también.